Soupir. Ne jamais la voir ni l'entendre. Ne jamais, tout haut, la nommer. Mais, fidèle, toujours l'attendre, toujours l'aimer. Ouvrir les bras et, là d'attendre, sur le néant les refermer. Mais encore, toujours les lui tendre, toujours l'aimer. Ah, ne pouvoir que les lui tendre et dans les pleurs se consumer. Mais ces pleurs, toujours les répandre, toujours l'aimer. Ne jamais la voir ni l'entendre, ne jamais tout haut la nommer, mais d'un amour toujours plus tendre, toujours l'aimer.